Mais c'est quoi tous ces bilos? Bilos. Bilos, bilos, bilos. Et déjà jouer avec un bilos, pas facile. Alors, avec trois bilos, c'est impossible. Ah là, c'est pas mal. Bravo. Je sais pas comment vous avez fait. Oh merde. Ah là, la classe.